Chapitre 7e. Sur les bords du Sambulpur, une large tente a été dressée, à la lisière d'un bois séculaire, sous l'abri d'un banyan gigantesque, dont les branches retombantes et fixées en terre par de nouvelles racines forment un temple aux 1000 colonnettes. Au dehors, des nattes ont été étendues sur le sol, et Bampijre, le prince Raja de Dompur, s'y tient à demi étendu, ayant auprès de lui des gardes demi-nus armés de la lance et du bouclier. Devant lui sont assis les deux Français Lucien Dantis et Pierre Carré, qui lui témoignent leur reconnaissance. Tandis que des Noirs se dévouaient au salut de la Méria, ils étaient partis au grand galop de leurs chevaux, suivis de leur escorte qui s'était emparée des montures un instant abandonnées par les Kounds. Lucien portait Riasanda dans ses bras, oubliant tout, déjà presque ingrat pour celui qui osa affronter la colère des Panous, ne songeant qu'à la faible et charmante créature qui venait d'échapper à la plus horrible des morts, la serrant contre sa poitrine comme un précieux trésor. Plus vite, toujours plus vite, à peine 10 lieues les séparent de Sambulpur. Qu'ils touchent cette terre dont Denwar leur a indiqué la plus courte route, et Sanda est sauvé. Certes, Lucien sent peser de plus en plus lourdement sur ses bras ce corps qui s'abandonne, et qu'en vérité, la vie semble avoir abandonné. Tout à l'heure, quand le danger sera passé, elle s'éveillera. Elle reviendra à la vie, et alors, quelle joie! Ce sera l'évasion définitive de ce sinistre cauchemar. Désormais un défenseur, qui jamais plus ne la quittera, veillera sur elle. Pierre galope à l'arrière. Combien, à lui aussi, il en a coûté pour permettre à l'hindou de s'exposer seul à la fureur de ses fanatiques. Mais Denwar s'était bien armé contre ses compagnons, ayant exigé d'eux leur parole d'honneur. Puis, ses raisons les avaient convaincus. Que ferait leur petite troupe au milieu de ces êtres féroces, rendus plus furieux encore, et par l'ivresse, et par l'intervention d'Européens? Denwar, d'ailleurs, a su leur inspirer confiance, et quand il a arraché Sanda au sacrificateur, quand il leur a remis la victime encore vivante, ils n'ont plus songé qu'à se conformer à ses ordres. Il leur a donné son anneau. Qu'ils atteignent la principauté de Dompur, encore soumise, sous la tutelle anglaise, à un des rares rajas qui exercent leur autorité avec bienveillance et dignité, ils trouveront auprès de lui l'hospitalité la plus large et la plus généreuse. Ils doivent traverser une forêt inextricable, peuplée de serpents et d'animaux féroces. Leur escorte trace le chemin à travers les lianes enchevêtrées. On entend dans les épais taillis des rauquements sourds. Mais les animaux se montrent moins cruels que les hommes. Peut-être les tigres dardent-ils à travers le feuillage leur regard avide sur cette caravane qui passe et se hâte. Pas un ne l'attaque. Mais que de délai! Il faut presque toute la journée pour franchir cette courte distance. Les obstacles, cours d'eau, fondrières, torrents, semblent se multiplier sur leur passage. Déjà, leurs montures sont épuisées et soufflent bruyamment. Qu'importe, il faut atteindre le but. Tout à coup, une alerte. Ils perçoivent distinctement le bruit que font des cavaliers à toute vitesse. Mais l'écho se renvoie le son et ils ne savent si c'est derrière eux qu'il se produit. Les Kounds se sont-ils donc lancés à leur poursuite? Eh bien, s'il faut combattre, si on est accablé par le nombre, du moins vendra-t-on chèrement sa vie. Mais non, un groupe apparaît à l'extrémité d'une plaine devant eux. Les hindous poussent des cris de joie. Ils ont reconnu leurs frères, les cavaliers du Raja Bampijre, qui viennent à leur rencontre. Avis leur est parvenu de la part de Denwar, ils se hâtent au-devant des fugitifs. Ils portent en croupe des femmes qui, dès que les deux troupes se sont remises, sautent à terre et enlèvent à Lucien son précieux fardeau. Riasanda, toujours immobile, pâle comme une morte, est étendue sur une civière dont deux cavaliers étaient chargés. L'officier se fait reconnaître des deux Français, et l'entretien a lieu dans le plus pur tamoul. Les soldats de Bam distribuent aux coureurs exténués des mangues, des pommes d'ate et des ananas. Puis, la petite troupe, groupée autour de la civière qui a été placée sur le dos d'un éléphant, se met en marche vers la résidence du Raja. On est arrivé. Jeune prince reçoit ses hôtes à la porte de son palais, antique résidence, aujourd'hui presque ruinée, des maîtres de Dompur, mais qui, fouillée par le ciseau des admirables artistes d'autrefois, a encore une haute allure seigneuriale. Riasanda est aux mains des femmes qui vont ici lui donner les premiers soins, et le Raja conduit les Français sous l'ombrage du banyan, curieux d'entendre de leur bouche le récit de leurs aventures. Lucien, que l'émotion et la fatigue tenaient à la gorge, avait dû laisser à Pierre le soin d'en expliquer toutes les péripéties. le Raja l'avait écouté avec la plus profonde attention. Plusieurs fois déjà, il avait signalé aux autorités anglaises le repère des derniers adorateurs de Manuksoro, ces Chinas que les autres Kundes redoutaient et haïssaient, mais ses avis restaient sans réponse et il était décidé à agir seul. « Je n'ai que 500 guerriers, dit-il, mais une bonne cause et l'amour de la justice triomphe de l'ennemi le plus puissant. Et dès que Riasanda sera hors de danger, s'écria Lucien, nous solliciterons l'honneur de combattre à vos côtés. » À ce moment, un serviteur s'était avancé, avait salué le Raja, puis, sur un signe, s'était approché de lui et lui avait parlé à voix basse. Le Raja avait répondu en inclinant la tête, puis, s'adressant à Lucien, « Jeune Français, je connais assez le cœur humain pour deviner combien vous êtes impatient de revoir celle que vous avez délivrée. On m'avertit qu'elle a repris ses sens. On va vous conduire auprès d'elle. » Lucien poussa un cri de joie. Avec quelle peine il s'était contenu jusque-là, ne prêtant qu'une oreille distraite au récit de son ami. « Surtout, ne fatigue pas la pauvre enfant par trop de paroles, » lui dit Pierre en souriant. « Je suppose qu'avant tout, elle doit avoir besoin de repos. » Mais, sur un regard du Raja, il s'arrêta, comprenant que celui-ci n'avait pas tout dit. Dans une autre pièce, toute tendue de soie aux couleurs tendres, étendue sur des coussins, Riasanda, cachée sous un fin cachemire, tenait ses deux mains croisées sur sa poitrine. Ses traits, d'une exquise finesse, se détachaient sur l'étoffe satinée. Une de ses mains, d'un dessin parfait, pendait le long de la couche improvisée. Au moment où Lucien entra, cinq femmes étaient là, dont l'une, la femme du Raja, enveloppée de voile, se tenait auprès de la jeune fille. Elle regarda le jeune homme et mit son doigt sur ses lèvres. Puis elle lui fit signe d'approcher lentement et sans bruit. Il vint, glissant sur les nattes, jusqu'à la couche soyeuse, et là, se baissant, mit un genou en terre et resta ainsi, les yeux fixés sur le visage de Sanda. La princesse alors, se penchant vers elle, prononça quelques mots à son oreille. Elle ouvrit les yeux et posa ses regards sur la jeune femme à laquelle elle sourit faiblement. Puis elle les tourna vers Lucien, et tout à coup, une teinte pourpre monta à ses joues. « Parlez-lui, » dit la princesse, « mais n'oubliez pas qu'elle ne vous entend que comme dans un rêve. » Une étreinte douloureuse serrait le cœur de Lucien. De douloureux pressentiments l'oppressaient. Les mots se refusaient à sortir de sa gorge contractée. Il se pencha sur la main de Sanda et l'effleura de ses lèvres. Il sembla qu'elle entendit les mots qu'il ne prononçait pas. Ses yeux s'éclairèrent d'une lueur infiniment douce et elle dit seulement « Mon ami ». « Oh oui !» s'écria alors Lucien. « Plus que votre ami, plus que votre frère Sanda. Je veux que désormais nous soyons à jamais liés l'un à l'autre. Je veux que vous me donniez le droit de veiller sur vous, de vous défendre. Cette vie qui vous a été rendue, homme à Sanda, consentez-vous à me la confier pour que je la fasse tranquille et heureuse ?» Il s'arrêta brusquement. De nouveau, une pâleur de marbre avait envahi les traits de la jeune fille. Ses yeux s'étaient fermés, et voici que de ses deux bras, elle faisait des gestes comme si elle eût voulu écarter d'elle quelque vision effrayante. La princesse, de nouveau, s'était courbée vers elle et lui plaçait sous les narines un flacon serti d'or ciselé. Ses lèvres s'agitèrent, et dans un souffle, ses mots furent perçus. « Que l'eau me noie, que le tigre me dévore. Si j'étais parjure à Manuksoro, mon fiancé, mon époux. » C'était l'épouvantable serment des Kundes qui de nouveau s'affirmait, posant son sceau de désespoir et de mort sur cette conscience d'enfant. « Eh, qu'importe un serment arraché par la violence ? » s'écria Lucien hors de lui. « Sanda, chassez ces horribles souvenirs. Que ce spectre s'écarte à jamais de votre imagination. Sanda, non, vous n'appartenez pas à cette divinité menteuse, faite de haine et de sang, vous êtes à moi et à moi seul. » Et encore une fois, Sanda répéta en frissonnant, « Je suis la fiancée du dieu rouge. » « Non, c'est folie !» rugissait le jeune homme. « Sanda, je vous emporterai dans mes bras, loin, bien loin d'ici, dans mon pays où l'air est si doux, où les roses sont si belles. Là, nul péril ne pourra nous atteindre, et nous recommencerons tous deux la vie de mutuel dévouement et de profonde affection. » Elle s'était à demi dressée, écoutant cette voix qui vibrait jusqu'au plus profond de son être. Son visage s'illuminait comme d'un rayon d'espérance. « Parlez, parlez encore !» murmura la princesse. Et le jeune homme, en toute la sincérité de son âme aimante, disait l'avenir radieux, dans l'intimité de deux âmes qui n'en feraient qu'une. Un cri l'interrompit. Ryasanda s'était rejeté en arrière, portant les mains à son cou, comme si une main de fer venait de la saisir. Et elle cria, d'une voix d'épouvante et de désespoir, « Je suis la fiancée du Dieu Rouge !»« Malédiction sur les misérables !» clama Lucien. À ce moment, la porte s'ouvrit et l'hindou des Noirs parut. Lucien courut à lui et se jeta dans ses bras. « Sauvez-la » s'écria-t-il, « sauvez-la d'elle-même et de ses démons !» Avec des Noirs, le Raja était entré, et Pierre derrière lui, qui vint à son ami et lui prenant la tête, l'appuya contre sa poitrine. Des Noirs s'étaient approchés du lit et contemplèrent Ryasanda. Une expression d'ineffable désespoir passa sur son visage. Il fit quelques pas sur la tête de la jeune fille, dont les traits, tout à l'heure contractés par la douleur, reprirent leur immobilité. Puis, se tournant vers Lucien, « Ami, lui dit-il, soyez fort, rassemblez tout votre courage. » Il avait prononcé ces paroles en français. « Quoi ? » s'écria Lucien. « Vous désespérez, vous aussi ? Mais pourquoi m'avez-vous empêché de mourir avec elle, là-bas, en massacrant du moins quelques-uns de ces bourreaux ? Vous vous sentez impuissant. Ah ! Est-ce là votre science tant vantée, et dont vous êtes si fier ?» L'hindou fixa sur lui ses yeux empreints d'une compatissante douceur. « Hélas, dit-il, la science des hommes ne peut rien contre les fatalités du destin. Les forces élémentales, nées du sang versé, ont accompli, dans ce frêle organisme, leur œuvre de destruction. Et vous ne pouvez rien ? Rien, que d'écarter pour quelques secondes peut-être ces agents de la mort, et vous donner la dernière joie qui vous puisse encore venir de la pauvre Sanda. Une joie ? En a-t-il encore pour moi ? Approchez-vous d'elle, posez votre oreille sur ses lèvres et écoutez. » Lucien regarda l'hindou. Une suprême révolte passa sur ses yeux, mais d'un geste solennel, des Noirs l'invitaient à lui obéir. Encore une fois, il s'agenouilla auprès du lit de la moribonde et écouta. Et dans un dernier souffle, tandis que des Noirs tenait ses deux mains appliquées sur son crâne, elle prononça ce mot. « C'est Camille. Je t'aime. » Tandis qu'elle retombait en arrière, morte, Lucien, avec un sanglot, se laissait tomber sur le sol. Le Dieu Rouge avait repris sa fiancée. Un mois après, deux hommes, dont l'un avait les cheveux blancs, s'embarquaient à bord d'un navire français pour retourner en Europe. Et sur le pont du steamer, Lucien disait à Pierre « Je laisse ici ma jeunesse et mon cœur. Il te reste ton cerveau et ta conscience, » répliquait l'ami. « Allons travailler. » Peut-être les retrouverons-nous un jour. Ainsi s'achève La fiancée du Dieu Rouge par Jules d'Hermina.